The Butcher Experience. L'émission qui parle de rock, souvent en long, parfois en large, et toujours en travers. The Butcher Experience. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans l'épisode 35 de The Butcher Experience. Aujourd'hui, retour à notre série sur les auteurs-compositeurs-interprètes de grands talents. Après avoir parcouru les USA en long, en large et en travers, autour de Jason Lytle, Elliott Smith, Beck ou Jack White, revenons du côté du vieux continent chez nos meilleurs ennemis de la perfide Albion pour aborder le cas du grand Damon Albarn. Damon Albarn est né un beau jour de mars 1968 en plein cœur de Londres, d'un père manager du groupe de jazz fusion pionnier du psychédélisme britannique, The Soft Machine, et d'une mère décoratrice de plateaux de théâtre. Vite bohème, élevé dans les idéaux de paix et d'objection de conscience, Damon grandira dans ce milieu où la culture et l'art occupent une place prépondérante. Il commence très tôt à jouer de la musique, piano, guitare, violon, mais aussi à composer, au point de gagner un prix national du meilleur jeune compositeur du pays. C'est à l'école, où il n'est pas franchement populaire et apprécié de ses camarades, qu'il rencontre Graham Coxon. Les deux deviennent rapidement potes autour de leur passion pour les Beatles, The Jam, XTC ou Madness. Albarn n'arrivera pas à grand chose à l'école, mais il finit par s'engager dans un cours de musique à mi-temps au Goldsmiths College, dans le but d'avoir accès aux tarifs réduits du bar de l'Union étudiante. Il fonde à ce moment-là son premier groupe, appelé Circus, avec ses potes Graham Coxon, Dave Rowntree et Alex James. Circus change de nom pour s'appeler Seymour, quand le label Food Records les repère et souhaite les engager. La seule condition pour signer, c'est de changer de nom. Exit Seymour, bienvenue Blur. Nous sommes en 1990 et c'est le début de la carrière de l'un des groupes les plus marquants des 90s. La suite est connue et je vous l'ai déjà conté dans l'épisode consacré à la Britpop. Blur s'impose doucement sur le terrain de la Britpop, remporte la bataille des poids lourds face à Oasis, mais finit par retomber dans une ombre toute relative quand en 1997 Oasis sort son célèbre What's the Story Morning Glory. C'est pourtant à ce moment que Blur devient des plus intéressants. Si le son d'Oasis est resté à peu près constant et sans grande révolution tout au long de sa carrière, Blur a sans cesse évolué de Park Life, qu'il révéla en 1994 et qui participa à l'invention du son Britpop, jusqu'à Think Tank en 2003 et l'utilisation accrue d'électronique, en passant par le Lo-Fi US de l'album éponyme de 1997, tout en s'autorisant des influences hip-hop de plus en plus assumées. Je ne vais pas retracer l'intégralité de la carrière du groupe, qui pourrait être le sujet d'un épisode entier. Il faut juste savoir que le groupe se sépara en 2003 suite au départ de Graham Coxon pendant les sessions de Think Tank. Puisqu'il faut bien commencer quelque part, on écoute tout de suite le tout premier véritable hit de Blur, le There's No Other Way de 1991. Sentant la fin de Blur arriver, Damon Albarn avait dès la fin des années 1990 commencé à réfléchir à un projet en compagnie de son colloque de l'époque, Jamie Hewlett, auteur du célèbre comic Tank Girl. Les deux compères imaginent un groupe virtuel dont l'univers graphique serait créé par Hewlett et dont la musique serait avant tout collaborative centrée autour de Damon Albarn. La première incarnation de ce groupe fictif sera composée de Albarn donc, mais aussi du producteur de rap Dan The Automator, le rappeur Del The Funky Homo Sapien, mais aussi Kid Koala. Après un premier EP sorti en 2000, le groupe, fraîchement nommé Gorillaz, sort son premier single, Clint Eastwood, en 2001. Le titre deviendra instantanément numéro 4 des charts anglais. L'album éponyme se vendra finalement à plus de 7 millions de copies. La suite se déroule parfaitement pour Gorillaz, qui, fort de ses multiples facettes entre rock alternatif, hip-hop, trip-hop, dub, électro ou reggae, séduit un très grand nombre de fans. Suivons l'album de B-side intitulé G-side, puis un deuxième album en 2005, Demon Days, un troisième et un quatrième en 2010, Plastic Beach et The Fall, avant le tout dernier, paru il y a une semaine et intitulé Humans. On écoute tout de suite deux titres des deux premiers Gorillaz, Five Force, suivi de Kid With Guns. Experience. Tous les jeudis de 18 à 19h sur Jet FM 91.2. Kids with guns, kids with guns, taken over by one belong, they mesmerize skeleton. Something to say. Just real. Comme j'ai pu vous le dire plus tôt, Damon Albarn a grandi dans un univers culturel très riche, aux nombreuses influences musicales. Cet univers hétérogène, varié et sans cesse en mouvement, sera une constante durant la carrière de l'anglais. Dès Blur, on a pu voir que le son du groupe évoluait en permanence, s'enrichissant de toujours plus d'influences, chose confirmée par le projet Gorillaz et ses albums protéiformes entre hip-hop et pop alternative. Justement, quelques mois avant la sortie du think tank de Blur, en 2002, Damon Albarn embraye sur un premier projet collaboratif qui prendra place au Mali, accompagné de musiciens locaux comme Afel Boukoum ou Toumani Diabaté. Ce projet, premier d'une longue lignée de collaborations africaines, s'intitule Mali Music, et si on peut y retrouver des mélodies typiquement maliennes, Damon Albarn apporte ici sa patte de producteur avec des morceaux très riches en arrangements, combinant parfaitement culture musicale européenne et africaine. On écoute tout de suite deux titres de Mali Music, Tennessee Hotel, suivi de Sunset Coming On, interprété par Albarn lui-même. c'est coming on, ça c'est coming on. Oh love, but the sunrise we'll see. But the sunrise we'll see again. Oh, sunset coming on, sunset coming on. Oh love, but the sunrise we'll see. But the sunrise we'll see again. Oh, waking up. Sunset coming on, sunset coming on. Oh love, but the sunrise we'll see. But the sunrise we'll see again. Sunset coming on, sunset coming on. Multiples influences musicales d'Albarn, l'autre constante dans son parcours sera les supergroupes. Ouais, Gorillaz est déjà un bel exemple de collaboration, qu'elle soit fixe, régulière ou totalement ponctuelle. Si on a pu voir les artistes De La Soul, Snoop Dogg, Mos Def, Bobby Womack ou Martina Topley-Bird sur les albums de Gorillaz, Albarn décidera de créer en 2006 un autre projet avec quelques potes de renom, The Good, The Bad and The Queen. En plus d'Albarn, The Good, The Bad and The Queen est composé du batteur de Fela Kuti, Tony Allen, du bassiste des Clash, Paul Simonon, et de Simon Tong, ancien guitariste clavier de The Verve, du bien beau monde. The Good, The Bad and The Queen, ça sera un unique album éponyme, évoquant les aspects de la vie moderne à Londres. L'opus a largement été enregistré au Nigeria, chez Tony Allen, après que Damon Albarn eut émis le souhait de travailler de nouveau en Afrique après son expérience malienne. L'album, relativement confidentiel médiatiquement parlant, sera un très gros succès commercial, se classant à la 50e place des charts à sa sortie. On s'en jette tout de suite deux très bons morceaux, Herculean, suivi du morceau titre, The Good, The Bad and The Queen. We'll be right back. Butcher Experience. Tous les jeudis de 18 à 19h. Sur Jet FM 91.2. Pendant qu'il travaille toujours avec Gorillaz, Damon Albarn continue son investissement en Afrique, où il participe au projet DRC Music, comme Democratic Republic of the Congo Music. Dans ce projet musical, Albarn réunit à Kinshasa, capitale du Congo, plusieurs autres producteurs comme Richard Russell ou Dan The Automator, dans le but de mettre en lumière la scène musicale congolaise. De très nombreux artistes congolais tels que Nelly MJ, Jupiter Bokonji ou Bokatola System seront présents sur l'album intitulé finalement Kinshasa 1-2 et dont les bénéfices seront reversés à l'association caritative anglaise Oxfam œuvrant au Congo. Ces multiples projets et collaborations en lien avec l'Afrique donneront à Damon Albarn l'idée d'un nouveau supergroupe qu'il formera avec Flea, le bassiste des Red Hot Chili Peppers, et de nouveau Tony Allen. Cet album s'inscrira pleinement dans le genre de l'afrobeat, avec des sonorités soul, funk et hip-hop, montrant encore une fois toutes les influences de Damon Albarn, sa créativité sans limite et sa capacité à s'entourer. Le groupe sera nommé Rocket Juice and the Moon par l'artiste nigérian ayant dessiné la pochette du disque sans que les membres du groupe n'eurent rien à redire. On écoute donc tout de suite Halo du projet Democratic Republic of Congo Music, suivi du titre Benko de Rocket Juice and the Moon, chanté en duo par Damon Albarn et Fatoumata Diawara. Thank you. Le parcours de Damon Albarn ne se limite pas à des super groupes, puisque le bonhomme a aussi travaillé en solo. Dès 2003, Damon Albarn sort un double EP, Demo Crazy, uniquement en vinyle, reprenant des chansons enregistrées dans divers hôtels américains pendant la tournée de Blur promouvant Think Tank. Les talents de compositeur d'Albarn seront très fortement mis à contribution dans les années qui suivirent la fin de Blur, puisque le bonhomme se vit confier la création de plusieurs bandes originales de films, parmi lesquelles Ravenous ou 101 Reykjavik. Loin de s'arrêter en si bon chemin, Damon Albarn, en compagnie de son compère de Gorillaz Jamie Hewlett et du très célèbre chef d'orchestre Chen Chizeng, adapte pour la scène l'histoire chinoise de la pérégrination vers l'Ouest. Le résultat, acclamé, initialement prévu pour être signé du nom Gorillaz, sera finalement intitulé Monkey's Journey to the West. Mais Damon Albarn ira encore plus loin, puisqu'il se verra confier la création d'un opéra par l'Opéra de Manchester. Le résultat sera un hommage au conseiller scientifique et médical de la reine Elizabeth, première du nom, co-créé avec Rufus Norris. La musique de l'opéra sortira en album sous le nom de Dr. D. À la suite de toutes ces expériences, Damon Albarn décide de sortir un album solo, en son nom, sorte de travail personnel et introspectif. L'album, intitulé Everyday Robots, fera la part belle au trip-hop, à la pop, à l'expérimentation, sorte de synthèse des très nombreuses influences de l'anglais. Sans plus attendre, on écoute la très belle chanson-titre de l'album, Everyday Robots. They didn't know where they was going, but they knew where they was, wasn't it? Robots in control. stress of being so. Driving in a Jason car. Till you press restart. Jet FM 91.2. Puisque les belles histoires ne se terminent jamais vraiment, Graham Coxon et Damon Albarn se retrouvent en 2009 et décident de relancer l'aventure Blur pour quelques concerts. Si les concerts sont un vrai succès, Damon Albarn précise bien qu'il s'agissait avant tout de renouer son amitié avec Coxon, mais qu'en aucun cas le groupe ne travaillerait sur un nouvel album. On sait bien évidemment comment ça se finit toujours, ce genre de plan. Lors d'une tournée asiatique de Blur et à la suite de l'annulation d'une date, les quatre compères se retrouvent coincés à Hong Kong. Pour se distraire, il se colle en studio et enregistre durant quelques jours. Damon Albarn part faire la promotion de son album solo, mais Graham Coxon n'oublie pas la session, continue de travailler dessus, invite même en secret le batteur et le bassiste de Blur pour finir le boulot, et le présente finalement à un Damon Albarn carrément emballé. Après encore un peu de boulot, l'album sortira finalement en 2015, 12 ans après le dernier. Il s'intitule Magic Whip, et on écoute tout de suite Go Out. To the law, oh, oh, oh, oh, oh. to be addressed now. There's nothing to get up about, 'cause we do it all the time. The shepherd that's undone, she done it all again. I get ready to go, the green go-getter come. We go into the local. Western man, top bottom left undone. Imperious design, the peddlers of luxury. A greedy go-getter in the sky bar, she on her own. She get ready to go, she dancing with herself. She does it with herself. She does it on her own. She does it on her own. C'est déjà la fin de notre panorama du jour sur la bien belle carrière de Damon Albarn. Comme vous avez pu l'entendre, Damon Albarn ne s'embarrasse que peu de considérations mercantiles, préfère suivre ses inspirations, ses influences, tout en réunissant ses amis autour de projets qui lui tiennent à cœur. Fervent activiste de la paix, citoyen très engagé, Damon Albarn ne cesse d'être sur tous les fronts, lui le branleur nonchalant pourtant à l'origine d'un des derniers très grands mouvements musicaux ayant existé. D'ailleurs, son activité sans fin le fait apparaître une nouvelle fois sur le devant de la scène avec le nouvel album de Gorillaz, sorti fin avril, et connaissant de nouveau un franc succès. Bon, personnellement, je n'en suis pas très fan, mais bon, comme ça reste Damon Albarn, il y a forcément quelques petites pépites et quelques collaborations bien senties dans ce Humans, comme en témoigne le Hallelujah Money, chanté par Benjamin Clémentine. À la semaine prochaine, et bonne soirée, à l'écoute de Jet FM. Here is our tree. Primitively grows, and when we go to bed, scarecrows from the far east come to eat its tender fruits. And I've thought the best way to protect our tree is by building walls, walls like a unicorn. In full glory and galore, and even stronger than the walls of Jericho. But glad then, my friend, that in a few we shall reap abundantly what we always dreamt of having. Enough of the starving, it is love that is the root of all evils. about our dream. And thank you, my friend, for trusting me. Hallelujah. Hallelujah, money. Hallelujah, money. Hallelujah, money. Hallelujah, money. If this be the end, then so shall it be. Until we say so, nothing will move. Ah, don't worry. It's not against our morals. It's legally tender. Touch, my friend, what the whole world and whole beasts of nations desire. Power. Hey!